c'est l'automne à Paris et les feuilles ont pris la couleur d'un soleil blessé. Dans les rues de Paris, l'oiseau se réfugie chez l'oiseau qu'il avait délaissé. La lumière à Paris emprunte à la mer les tons de la colère, noir ou gris. Sous le ciel de Paris, un murmure grandit, éclatant comme une symphonie. À 5h du soir, dans son bureau, Lala Guillot s'en mordait sous les bras. À 5h du soir, dans son bureau, Lala Guillot s'en mordait sous les bras. Quelle odeur épouvantable, elle pue, c'est effroyable. Elle n'est pas protégée contre les impuretés. Elle pue, elle aurait dû se laver dès le matin avec le savon machin, le bon savon qui contient du Thermisofisol, au Catofix Alu Gel. Activé. Dans son bureau, la dactylo s'en mauvais sous les bras. À 5h du soir, dans son bureau, la dactylo s'en mauvais sous les bras. À 5h du soir, dans son bureau, la dactylo s'en mauvais sous les bras. À 5h du soir, dans son bureau, la dactylo s'en mauvais sous les bras. À 5h du soir, dans son bureau, la dactylo s'en mauvais sous les bras. À 5h du soir, dans son bureau, la dactylo s'en mauvais sous les bras. À 5h du soir, dans son bureau, la dactylo s'en mauvais sous les bras. À 5h du soir, dans son bureau, la dactylo s'en mauvais sous les bras. À 5h du soir, dans son bureau, la dactylo s'en mauvais sous les bras. À 5h du soir, dans son bureau.